Non, arrête-moi ça. Fuck le zouk. J'aime pas ta musique de gros pédé. Va têter ta mère la chienne. Il me faut de la violence des gros fessiers. Sinon négro ça me fout la haine. Stop le zouk c'est pour les faibles. Et maintenant écoute du rap. Il y a des putains de mixtapes. Et les textes c'est pas des fables. On est des gangsters hors pair. On aime les signes triangulaires. Je tape dedans t'es pas ma mère. Je mets enceinte une commissaire. J'ai la dentition d'un dromadaire. Du coup je mets des grises en or. La ventilation de mon derrière te ferait vomir un dinosaure. T'as compris le délire, le zouk c'est de la merde. Ça devrait être un délit de chanter cette merde. Je veux du synthé et une basse qui cogne. Pouvoir twerker sur le son comme un putain d'ivrogne. Je fais des étrons couleur Sania Bakari. Mange pas trop de bonbons car ça file des caries. C'est ce que ma putain de maman me dit. Mais je l'emmerde avec un très grand mépris. J'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de groupies. On copule, on copule, on copule, on copule sans capote ni pilule. Et je crache et je crache et je crache et je crache du sperme et du pipi. Comme ça si le gosse est con on pourra dire qu'il a été fini à la pisse. Je veux du bon son qui frappe. Avec plein de boissons gazeuses. Une meuf qui me suce sur mon rap. Avec un cul de stripteaseuse. Et en supplément, je voudrais un rappeur qui rit. Même si je pige pas ce qu'il dit, ça donne toujours du style. Maintenant twerk, twerk. Comme une négresse. Allez twerk, twerk, twerk. Comme une négresse. Maintenant twerk, hey. Comme une négresse. Allez twerk, twerk, twerk. Comme une négresse. Yeah bitch. Twerk like a nigga. I said bitch. Twerk like a nigga. I can say nigga cause I'm a nigga. But if you not a nigga then don't say nigga. Simple as that my nigga. We gang banging tonight. Squat. And I'm about to get fucked. All these giant dicks for me. Nigga. They're about to get sucked. Yeah. All these balls turn me on. What? Gotta catch them all. At the end of the night. Hey. There will be a lot of cum on the wall. Nah, I'm joking. Bitch. You thought I was an homo? Squat. Nigga, I promise, I'm not like Bradley though. I got a gun with two clips. I'm shooting milk with my lips. I love to fuck my groupies. They love my dick like some chips. I bought a ship to fuck a sheep alone. What the fuck? If I get arrested, I'll say it's my clone. And if I get decapitated like in Game of Thrones, nigga, I'll suck my own dick and they'll record with their phones. Je veux du bon son qui frappe. Avec plein de boissons gazeuses. Une meuf qui me suce sur mon rap. Avec un cul de stripteaseuse. Et en supplément, je voudrais un rappeur qui rit. Même si je pige pas ce qu'il dit, ça donne toujours du style. Maintenant twerk, twerk, twerk. Comme une négresse. Allez twerk, twerk, twerk. Comme une négresse. Maintenant twerk, twerk, twerk. Comme une négresse. Oh, oh. Allez twerk, twerk, twerk. Comme une négresse. Bébé.